Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Na tuna salimia kila dada na kila ndugu mjina Bwana Yesu Kristo. Et nous saluons chaque frère, chaque sœur dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bwana sifiwe. Que le Seigneur soit loué. Okutupa tena siku ingine. De nous avoir accordé ce jour. Tuta inamisha vichwa nipate kuomba. Nous allons incliner nos têtes, je vais prier. Mufalme na mokozi Yesu Kristo. Notre roi et notre sauveur Jésus Christ. Ni weye aliye Mungu wa bya kweli. C'est toi qui es le véritable Dieu. Ulana okolaka bya kweli batu ni weye. Celui qui sauve véritablement les gens, c'est toi. Anatoshanaka mu magumu ni weye Yesu. Tu ôtes les gens dans les difficultés, c'est toi. Analeta kama solution kumangaiko ya batu ni paka weye. Tu donnes les solutions aux difficultés des gens, ce n'est que toi. Njo we Mungu mwenye mtu anapaya we mwenye kwa na akira anapaswa kutumainia. C'est à toi qui chaque personne doit espérer. Njo weye unastahili shangwe. C'est toi qui es digne de louange. Unastahili heshima. Tu es digne d'être honoré. Utifu, d'être obéissant, obéir, de t'obéir. Namutu tumoya wa kutapa, et le seul qu'on doit vanter, c'est toi, Seigneur Jésus. Mutu tumoya ule mbele yake tunaweza kuichika kutubu kabisa bila shaka ni wewe Yesu. Le seul devant qui nous devons accepter de nous repentir sans doute, c'est toi Jésus. Ule tunaweza konesha ma secret ila tutaweza konesha Mungu. C'est à toi qui on peut dire des secrets que on ne peut pas dire à quelqu'un d'autre. Parce que kama wewe unakubali kutubu kwa mtu, si tu agrées la repentance d'une personne, bien que ule mtu anapata usamaha. C'est vrai, cette personne recevra la mwenyewe arikosa salama, arikosa salama, wewe ndio analetaka salama. Celui qui manque la paix, c'est toi qui accordes la paix. Mwenyewe anakosa furaha, wewe ndio analetaka furaha. Ah, celui qui manque la joie, c'est toi qui donnes la joie. Mtu moyo la nabarikaka bantu chini ya jua ni wewe Yesu Kristo. Le seul qui bénit les gens sous le soleil, les gens, c'est toi Jésus Christ. Ni wewe mwenye kanisa. C'est toi le propriétaire de l'église. Anaitaka ni wewe. Celui qui appelle, c'est toi. Anakalaka na convaincre bantu ni wewe. Celui qui convainc les gens, c'est toi. C'est pourquoi Seigneur, mubiri wa bya kweli ni wewe. Voilà pourquoi Bwana, le véritable prédicateur, c'est toi. Neno lako inasema shie tuko sa baubiri. Ta parole déclare que nous nous sommes comme sa des prédicateurs, pasteur, comme des pasteurs, sa ba évangélistes, comme des évangélistes, sa ba mwarimu, comme des docteurs. Mais mwenye wa bya kweli ni wewe. Mais le véritable, c'est toi. Kuya bashi, viens donc wewe ubiri. Que toi tu puisses prêcher. Kama wewe unasema ya kweli mtu atapata faraja. Lorsque toi tu parles réellement, l'homme va être. Kama maneno yako injo ya bujima. Parce que ta parole est vivante. Maneno yako njo ni kalaka na effet. Ce sont tes paroles qui ont des effets. Maintenant Seigneur, tunairuweka entièrement ku mikono yako. Maintenant Bwana, nous plaçons entièrement entre tes mains. Ili na mimi mwenyewe ishikwe mie mawazo yangu. Afin que ça ne soit pas moi-même mes pensées. Utufunge chini ya roho yako. Lis-nous tous sous ton esprit. Ikuye wewe peke kutenda kazi. Que toi seul tu puisses œuvrer parmi nous. Ili kavumu ikukulurie wewe Yesu Kristo. Afin que l'honneur et la renommée retournent à toi. Saidia banduku wetu na badadetu batafuata hata kwa njia ya internet. Aide nos frères et nos sœurs qui suivront par la voie de l'internet. Seigneur, utuweke chibote chini ya uvuto yako. Place-nous tous sous ton emprise. Fanya ke hata mwenye alikuwa na magonjwa. Fait que même celui qui avait une maladie. Mwenye alikuwa na angaiko fulani. Celui qui avait une préoccupation. Parce que wakati huko natuma neno. Parce que quand toi tu envoies ta parole. Urilaka kusema unatumaka neno na neno inatunzaka bana. Tu avais promis que tu envoies la parole nous guérit. C'est-à-dire inaletaka majibu ku mambo ya mingi. C'est-à-dire que ça apporte la solution à tous les problèmes. Fanya ke présence yetu shibote fwashi. Fait que notre présence, nous tous ensemble, que ce ne soit pas vain. Permettre que muntu wote apate kutire profit. Ruhusu ke chacun de nous puisse profiter de ce moment. Ya kile wo utasema. Et de ce que toi tu vas dire. Kile wo utafanya. De ce que toi tu feras. C'est pourquoi Seigneur. Voilà pourquoi Bwana. Tukuna kulomba pour que weye u intervenir. Nous te demandons afin que toi seul tu puisses intervenir. Na tunaamini akusema Seigneur. Et nous croyons que Bwana. Maombi yetu nakuonesha inakufikia. La prière que nous t'avons adressée est arrivée. Na utuakorde kinye tunakomba. Et accorde-nous ce que nous te demandons. Parce que c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous levons. Nous prenons notre texte de base. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3. Ufunulo sura ya 3. À la maison, lisez toutes les écritures concernant l'âge de la Odyssée. Kumulango musome andiko yote nalekia kizazi ya Laodikia. Mais je prends le verset 17 plutôt. Mina beba mstari 17. Parce que tu dis. Sababu kunasema, je suis riche. Niko mtajiri. Je me suis enrichi. Miri tajirika. Et je n'ai besoin de rien. Sina lazima na kitu. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Na vile hujua sema kuwa ole. Misérable. Uko munyonge. Pauvre. Maskini. Aveugle. Kipofu. Et nu. Na uchi. Verset 20. Mstari 12. Non, 19 d'abord. Moi je reprends. Et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Amen. Voici, tazama, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Munaweza kuikala. Frère, vous avez annoncé le programme de funérailles du grand frère Frère Titi. C'est demain, hein? Ah, ok. Dans vos prières, souvenez-vous aussi de frère Kali Mwanza. Ça fait plus ou moins 3 semaines qu'il est à Kinshasa. Il est allé en tant que syndicaliste à une formation à Kin. Mais déjà cet après-midi, il est à l'aéroport pour son retour. Dieu voulant, je crois qu'aux alentours de 18h, il sera déjà à Lubumbashi. Et puis, la sœur Kapi aussi est sortie de la maternité. Dada Kapi est sortie de l'hôpital maternité. Kapi Moussa. Elle est à la maison. Eko kumulangu. Nous poursuivons notre petit sujet. Il est très très important. Comme nous le disions, je crois, dimanche au coin de la semaine. Nous sommes les concernés de cette prophétie. D'Apocalypse 3:14-22. Parce que Sababu, si vous ne faites pas attention, kama musopoke, il y a un danger dans cet âge. Le danger se trouve au verset 16. Il est atari iko ni mumustara 16. Je relis le verset. Na isoma tena imstari. Ainsi, Ivi, parce que tu es tiède vile kwa uvugu vugu, et que tu n'es ni froid ni bouillant, na auna baridi wala moto, je te vomirai de ma bouche. Takutapika mukinywa yangu. Ça, c'est très, très dangereux. Hii ni hatari kabisa. Et rassurez-vous, frères et sœurs. Na muwe na wakikisho nduku na dada. Nous vivons un temps où Dieu aura rejeté des hommes et des femmes, mais oui, ils resteront dans l'église. Tu restes affilié ou attaché à une assemblée, mais alors que devant Dieu, tu ne comptes plus. C'est très dangereux. Tout ça pourquoi? C'est compte tenu de cette mauvaise position de ne pas être ferme dans les choses de Dieu. C'est pourquoi vous voyez le Saint-Esprit conseille ceci. Romains 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Suivez ce qui est dit. Je prends. Pouvez tout lire, commençant par le verset 3 qu'on avait exploité l'autre fois. Le Saint-Esprit déconseille d'avoir une haute opinion de soi-même. Et regardez le verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Namna yetu ya kupendana ishikwe ya mauso mbiri. Ya kupenda kwa milomo. Memuro unayua kusema hata vile niku namwambia Mungu akubariki dada, Mungu akubariki, ni bya Mungu. Que notre manière de nous aimer soit sans hypocrisie. Si tunapasha kuya des hommes et des femmes véridiques. Si tunapasha, nous devons être des femmes et quand des hommes qui sont quoi. Quand ne va pas. Kama kitu mwa kiendeke. Ne laissez pas la chose enterrée dans votre cœur. Apana kuacha kile kitu cha kichunga na kizika moyo wako. Allez vite vers la sœur ou le frère. Wende mbio haraka kwa nduko au dada. Même un membre de votre famille. Hata kwa membo wa jamaa yako. Ne laissez aucune racine d'amertume se développer en vous. Apana takuacha mzizi moyo wa kuchungu na lamka ndani yako niendelea. Le Saint-Esprit est très sensible. Na Roho Mtakatifu iko na guswa sana. Quand vous gardez en vous des choses qui ne sont pas divine. Wakati unachunga bitu ndani yako bila bina vya Mungu. Nous devons être très vigilants. Mnapasha kuwa na uwerevu kabisa. Peu importe la fonction dans l'église, peu importe le nombre d'années. Aizuru kazi unatumika mkanisa ubingi ya miaka. Bile biote ni mungari Mungu. On ne s'habitue pas à Dieu. Atu wakuna mambo wa kuzobila Mungu. Quoi que ce soit qui monte dans votre cœur. Kiyote ki unapanda moyo wako. Et que vous sentez ça commence à vous refroidir vis-à-vis d'un homme ou de quelqu'un. Unaona kinaanza kufanya unakuwa baridi mbele ya mtu. Voyez-le et tirez la chose au clair. Umuone na mpate kutengeneza ile mambo. Acceptez même là où vous avez raison. Vous sentez que pour ma paix, il faut j'accepte de perdre le droit. Faites-le. Ichika tapra unasema kuna sheria. Juu ya salama wendu kamuone mwifanye vile. Vous ne perdez rien. Amen. Amen. Et regardez, c'était le verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. C'est-à-dire, quand nous pendons, tu pendons et bien quoi. Si c'est de nous aimer, qu'on nous aime, qu'on s'aime réellement. Que ça ne soit pas faux. Amen. Amen. Que ça ne soit ou bien quoi ma pendo par intérêt fulani, non, non. Ou bien l'amour par intérêt quelconque. Si tu pendons parce que c'est ça la nature divine. Qu'on puisse nous aimer sababu Dieu asili ya Mungu ile. Dieu nous a aimés sans intérêt. Mungu alitupenda bila faida. Tout simplement parce qu'il nous aimait et voulait nous sauver. Na alitupenda njo pana maana alikuwa. Et quiconque est né de Dieu, il est né avec cette affection là. Eko nazaliko na ile mapendo ya Mungu ile. Quand tu sens dans ton cœur, wakati unaona simu moyo wako, pour parler à telle sœur ou tel frère ou telle personne, tu sens un peu de la résistance. C'est déjà un signal fort. Nikusema kintu kimoya. Niko na kuonesha kusema. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Ayez le mal en horreur. Muwe na bubaya, mchukie bubaya. Chukia tu bubaya bote. Oui, na bubaya ni kile kintu kyote akina neno la Mungu. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, hapana kukuya na kuvumilia kakitu atake kukanchenge je. Ne tolere n'importe quoi. Kama unaona tu akana ka neno la Mungu. Si vous voyez que ce n'est pas conforme à la parole tosha. De Dieu. Même pour quelqu'un qui a intérêt à ôter cela. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Amen. Le verset que je recherche, c'est le verset 11. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Mumambo wa kiro, mkuwe moto moto. Mumambo ya neno la Mungu, mkuwe, apana mkuwa na buvivu kumambo inangara sauti ya Mungu. Fervent. La ferveur, c'est kuya moto moto. Dieu le transmaga, frère, uriwe keko. Kuya moto moto mumambo wa Mungu. Soyez kama nasio bomba, omba. Kama nasio kwa kanisa, uriwe keko. Si on dit de venir à l'église, appliquez-vous. Apana kueka negligence. Unashika, nani... Ayez du zèle et non de la paresse. Après, on a quoi dans vous vivre? Ah, mais on a choqué ça, frère. On a fait un peu de choses. Lorsqu'on dit qu'il y a des activités, mettez-vous. Venez travailler. Tout ce qui concerne les choses de Dieu, vous ne soyez pas rétrograde. N'abandonnez pas. Sachez que ce problème me concerne. Amen. Sachez que cette affaire me regarde, me concerne. Ne regardez pas que ça, ça concerne les diacres. Comme ça, c'est toi le pasteur, c'est toi le diacre. Wenjo Mzamini, Wenjo Shemashi. Il ne faut pas dire que j'écoute et puis je puisse aller à rapporter ça chez le pasteur. Comme Dieu a permis que toi tu sois le témoin, oculaire et auriculaire. Occupe-toi de ce cas. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez fervent d'esprit. Voyez. Servez le Seigneur. On ne dit pas les pasteurs, les diacres, les... Non. Tout le monde, nous sommes enrôlés pour servir le Seigneur. Et pas avec de la paresse ou de la négligence. Jérémie dit, je crois, dans Jérémie 48, verset 10. À la négligence. Qu'il soit maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Hein, je crois que c'est ça, là. Jérémie 48. Jérémie, sura makumi ne namnane. Prenez ça. Mui bébé. Jérémie 48. Ah oui, c'est là. Jérémie 48. Jérémie, makumi mnane na. Sura makumi ne namnane. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alani ole kunafanya kazi ya wamilele na kusula. Alani we ule mambo ya Mungu. Yeko na lurisha mikono kumukongo. Celui-là qui ne fait rien dans les affaires de Dieu. Celui qui se retracte dans les choses de Dieu. Mambo ya Mungu mzuri. Vous n'écoutez pas correctement les choses de Dieu. Ah, mambo yeye. Utakuwa kusema hapa inakuleta michoko. Vous allez en parler, ça va vous causer des ennuis. Kama unakuta dada au nduku unaona kusema. Si vous trouvez frère, vous trouvez que fashion ni mambo ya Mungu, il faut ni takatishe musemeo yangu na sauti ya Mungu. Ce sont les affaires de Dieu, il faut que tout soit clair. Ni wewe ndio ukutakatisha musemeo yako. C'est à toi d'éclaircir les choses. Amen. Amen. Apana kusema mimi kuna shika hapa mtu peko nasema si. Hapana. Il faut pas dire que j'entends les gens parler. C'est comme je reçois des fois des sœurs. Monsieur, mais tu connais jamais, mais je peine de commencer sur le sait. On a celle-là, tu es une lâche. Je vais t'empoigner, mais je ne veux pas que tu puisses en dire à la seule. Un témoin, frère. Souda. Regardez dans l'ancien temps. Mwangari, quand tu vois un crime en Israël, de la débauche ou quoi que ce soit, toi qui as vu, s'il faut lapider la personne en question, toi le témoin avec toute ta conscience, sans reproche, tu dois prendre un bloc de moelleau, tu prends une pierre, tu jettes le premier. Amen. Parce Amen. Que tu le fais avec toute ta conscience que j'ai vu. Mais quand tu viens voir un pasteur ou c'est un ça, diacre, non, je ne vais pas tu protèges qui parler ces gens. Tu sacrifies Dieu. Parce que dans les choses de Dieu, il faut tirer les choses au clair. Il n'y a pas de zone d'ombre. Amen. Moussé. Dada fulani, njoo alikuwa kuniambia hivi anasema. C'est tout. Comment tu nishirikia même, je vous dis la vérité. Si tu vas se fâcher contre moi, ça me dégage. Oh, non, abishko, l'état tout ma fitine. Oh, je ne veux pas qu'il y ait des ennuis. D'abord, le chrétien, lui, c'est un oiseau libre. Quand toi, tu l'en veux, et que lui sait qu'il a agi correctement, tes inimitiés là, c'est un fardeau que tu te charges inutilement. Amen. Amen. C'était le verset 10. Écoutez, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Moui mambo, inalomba miye na neno la Mungu qui est l'épée. Mini vunje ni toshe bila bina sauti ya Mungu. Que je puisse briser tout ce qui me tu as l'épée, tu connais ce que la parole dit. Tu trouves un frère, une sœur en train de se brouiller, en train de s'essuyer. Toi qui as l'épée, c'est toi qui dois tailler les démons en pièces. Non, non. Tu remets ton épée dans son carquois et tu t'en vas. Et Dieu dit, un homme comme ça, il est maudit. Regardez l'exemple dans l'ancien temps de Finé. Ce jeune homme-là, c'était au temps où Israël s'était compromis totalement devant Dieu. Dans la débauche. Et pendant que Moïse reprenait le peuple à cause de ce péché-là, le grand frère propre de Finé, j'ai oublié le... Frère, il s'amène avec une moabite, ils entrent dans une tente, et ils commencent à se faire l'amour là-bas. Finé regarde, grand frère propre, il m'envoie à Chione. Frère, Finé a pris son épée. Anache koule kurukwa réunion. Anenda moutante moule grand frère d'Ake na mwana moukoule moabite baringi. Anaba twanga épée, na moukoubwa yake, na oule moabite banakoufwa sur place. Son frère et la moabite. Et vous savez la réaction du Seigneur? Le Seigneur dit à Moïse, c'est Finé qui a calmé ma colère. Sasa, kama wewe même bwana yako, même si vous même bibi yako, même votre femme, même nduku yako, unaona kuse hivi ndio kunafanya. Vous voyez que ce qu'il fait. Il amène la souillure à l'église. Et qu'on allait kuchafusha kanisa. Oui, non, par amour, parce que c'est ton quand grand frère. Non, tu laisses faire. On a moi tout. Mais tu es maudit. Voilà. C'est pourquoi je vous disais, faites très attention, à cause de ces petites habitudes-là, sales et antiscripturelles, le Seigneur, dans cet âge, a promis de vomir, de rejeter des hommes et des femmes, des croyants. Moi, je ne peux pas accepter, frère, ni conséquence de mbingu. Moi, je ne peux pas accepter que je manque d'aller au ciel. Dieu a mutoto. À cause de l'enfant. Dieu a bwana yangu, bibi yangu. Tout ce que nous faisons ici sont des choses terrestres et pour un petit temps. Ni bitu biawaji. Apa chini ya jua ni jua muda kidoku. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Mita kusakrifie mina bakia na Mungu. Je vais vous sacrifier. Et Dieu me défendra. Na Mungu ateni kumbani. Et dans, quand tu prends une telle position, Dieu est de ton côté. Na wakati unabeba ile mshimamo Mungu. Toutes les flèches qui viendront de l'autre côté, ma Michelle yote tatoka ile ngambo. Dieu t'en défendra. Mungu atakukumbania. Amen. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Regardez le sacrificateur Élie. Oui, c'est Élie. Ça doit être Élie ou c'est le prophète Samuel. Oui, ça doit être quelqu'un comme ça. Frère, ses enfants se compromettent. Et lui, avec toute négligence, il parle avec légèreté devant ses enfants. Frère, Dieu n'a pas toléré. Ça doit être le sacrificateur Élie. Il dit à ses enfants, « Oh, vous, mes enfants, ce que vous faites n'est pas bien. » Pourquoi c'est à bon? Dieu a dit un bon. Oui, moi, je t'ai établi pour ça. Tu parles comme ça. Et les gens te font voir les dégâts que causent tes enfants à l'église, à l'œuvre de Dieu. Et toi, par amour paternel ou parental, et tu mets de la négligence au lieu de reprendre les enfants correctement. Frère, Dieu a dit, je vais balayer sa maison. J'avais juré que ta maison sera dans les services, mais à cause de cette attitude ici, c'est fini, j'oublie ça. Amen. Tu peux avoir fait longtemps dans l'église, avoir fait beaucoup de choses pour cette église, mais à cause d'une petite erreur, Dieu te rejette. On ne s'habitue pas au Seigneur. C'est pourquoi, quand nous venons, c'est comme le Saint-Esprit disait par Frère Branham, nous venons à l'église, c'est pour nous examiner, pour voir là où les choses ne sont pas en ordre avec le Seigneur. Et je mets de l'ordre. Je viens pour me faire, comme le Saint-Esprit disait dimanche, me faire dépister. Ce qui ne va pas. Parce que, apparemment, je peux me croire être chrétien, je peux me croire être en ordre, alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, j'aime beaucoup m'apprendre beaucoup de choses de la médecine. Dans la médecine, il y a ce qu'on appelle incubation. La période, quand on contracte une maladie ou un microbe, la période qui sépare la contagion jusqu'à la manifestation des premiers signes que tu es déjà malade, c'est le paludisme, c'est la fièvre typhoïde, c'est le cancer, la tuberculose. Cette période silencieuse-là, frère, c'est là que la maladie ou le microbe ou le virus s'installe, prend toute son aisance pour s'installer. Et l'incubation pour toute maladie ici varie. Alors, une fois, je lisais là, je cherchais à savoir quelle est la plus longue incubation pour certaines maladies. J'étais surpris qu'il y a ces microbes ou de ces maladies dont certaines incubations peuvent aller à 10 ans, 20 ans, 25 ans. Et la maladie-là se développe avec toute aisance dans le corps. Et le jour où les premiers symptômes apparaissent, c'est fini, tu es candidat à la mort. C'est comme le cancer, non? Le cancer peut se développer pendant 10 ans, 15 ans. Le jour où on le découvre, où tu es dépisté, on te dit que c'est à une phase terminale. Maintenant, quand je lisais ça, j'ai dit oui. Cette incubation, même dans les choses spirituelles, elle est valable. Tu peux rester dans l'église 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quoi ça? Ancien, diacre, choriste, caméraman, frère ou bien, sœur ou bien. 20 ans, 21e année, capote. Capote canaria. Ah! Un frère, Oui. Asema ce frère aussi, asema ndio. Il était inconverti, elle était inconvertie pendant toutes ces années. Et elle consommait son incubation. Le jour où les symptômes apparaissent, c'est fini. Vous vous tenez à la tête. Pas quoi frère ou ce frère ici. Ce prédicateur ici. Oh, mais oui, c'est ça. Dans les choses spirituelles, quand l'incrédulité s'assoit dans le cœur, quand Dieu te rejette, l'incubation peut prendre longtemps. L'incubation peut prendre longtemps. Tu viens, on construit, tu donnes la nourriture, on chante, tu danses, l'onction est là. Toi-même, tu ne te rends pas compte que Nico Mupagan, je suis un païen. Nico Mupagan, je suis simplement un païen. Et c'est la période la plus dangereuse parce que Satan te laissera te réjouir de la présence du Seigneur. Et tu ne fais pas attention aux œuvres ou aux fruits que tu portes. Amen. Maintenant, voyez. Compte tenu d'un tel danger, nous ne devons pas nous reposer. Chacun doit se dire, est-ce que suis-je vraiment un candidat pour le ciel? C'est pourquoi, voyez, le Saint-Esprit par Paul, dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 13, verset 5, il dit, éprouvez-vous, on peut lire ça, que j'ai... 2 Corinthiens chapitre 5 et chapitre 13. Oui. Verset 2 Corinthiens chapitre 13. Verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Avez-vous compris? Et toi et moi, nous tous. C'est examiner pour voir si je suis dans la foi ou je suis déjà sorti. C'est demander à chacun. Examinez-vous vous-même. Vous allez vous examiner comment? Regarde au genre de fruits que tu portes, aux œuvres que tu produis. Amen. Amen. Regarde aux aspirations qu'il y a dans ton cœur. Regarde même aux motifs et aux objectifs que tu as. Regarde aux zèles que tu as. Regarde à la ferveur que tu as aux choses de Dieu. Amen. Si tu ne fais pas attention, frère, je crains que tu sois déjà rejeté pour le Seigneur. Comment sauras-tu que tu es rejeté? Parce que c'est cet âge où, comme ça se passait à la Odyssée, la religion aura gagné du terrain. Amen. La religion aura gagné du terrain. Et c'est quoi la religion? S'habituer à une église. Pas seulement s'habituer à une église. S'habituer aux prédications. Tu sais que, bon, Mundu, c'est ça son don, il prêche comme ça. Tu apprécies. Et c'est très bien. Parfois, ça te touche. Mais observe. Tu peux être, pendant qu'il y a l'onction là, tu pries. Tu confesses et tout ça. Mais dès que tu es sorti, Matthieu chapitre 13 s'accomplit. La semence est tombée le long du chemin. La semence est tombée sur des endroits rocailleux. La semence est tombée dans des épines. Mbekwera. Voyez, cette parabole-là donne quatre types de cœurs. Et trois sont en dehors de la volonté du Seigneur. Mais la petite portion qui reste la bonne terre, c'est pour dire que c'est une minorité. Quand on te dit examine-toi, regarde, tu as quel genre de cœur dans les choses de Dieu. Peut-être que toi, après la prédication, tu reçois, tu es touché, mais immédiatement après, d'autres fardeaux viennent étouffer la parole en toi. On est ensemble. Hein? Vous lisez ça dans Matthieu 13. La parabole des semeurs. Et suivez l'interprétation que le Seigneur donne. Et toutes ces illustrations sont d'application à l'âge de l'Odyssée. Amen. Cela nous concerne. C'est pourquoi, regardez comment le Saint-Esprit parle. Examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Aina mambo kusema mi yetu. Ni mujumbe ndi amini pale ndikuwa kana 15 ans. Mili amini pa 15 ans. Bile bintu biote. Ça ne dit rien au Seigneur. Mi ronaka colonne de feu. Moi j'avais vu la colonne de feu. Mi rishika sauti kuna sema. J'avais entendu une voix. C'est bien. C'est bien. Mzuri. Mais cela ne te garantit rien. Ile iko kikishe kitu. Cela ne te garantit rien. Hakuna kikisho hata moyo. Mika mimi kunaomba frère. Mimi nashikia kana mimi mwenyewe. Moi même je sens. D'accord, c'est un bon témoignage. Dio ni ushuhuda. Mais regarde si tu es encore dans la foi. Lakini angalia kama ungaliki paka muimani. Ou pas. Au hapana. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana. Ainsi donc. Nous pouvons rester sur Apocalypse 3, 14 à 22, pendant même plus. Pourquoi pouvons-nous y rester longtemps? C'est comme je l'ai dit, c'est parce que nous sommes les concernés numéro un. Et nous devons être très vigilants. Très, très vigilants. Parce que, c'est comme je l'ai dit, je puis être peut-être en train de passer mon temps d'incubation. Mon paganisme n'est pas encore visible. Amen. Et si Dieu me fait grâce pendant mon incubation là, le Saint-Esprit vient à mon secours et je comprends ma situation. Je suis sauvé. Mais si pendant l'incubation, le Saint-Esprit ne fait rien pour toi, tu es un mourant. Bon Mbarik. Que le Seigneur vous regardez. Mwangali. C'est dans cet âge, frère. Kizazi, banduku, comme je l'avais mentionné au courant de la semaine. Où le Seigneur buwana, est dehors. Eko, napatikanika inje. Voyez, j'insistais pour dire, n'attendez pas un mouvement de réveil pour tout l'ensemble de l'Assemblée. Observez nos assemblées, je crois, du côté de Kasaï qui ont prétendu avoir expérimenté un réveil et tout ça. Ça s'est soldé comment? Pasteur en lala na banamuke. Pasteur a couché avec les fidèles. Confusion totale. Mufuruko kabisa mulendani. Eux ont cru que chez les nations, ce n'est pas une affaire de groupe. Kumataifa, aina mambo inangara chez les nations, c'est une affaire individuelle. Ukwetu kumataifa, ni mambo inangara les élus, même ceux comme je parle là, chacun des élus est en train d'expérimenter lui vivre de manière permanente dans le réveil. Amen. Amen. Il vit un réveil. Il n'est pas dans le sommeil. Amen. Amen. Et maintenant, regardez, c'est en ce temps où le Seigneur s'adresse individuellement aux hommes et aux femmes. Mwanamke na mwanaume. C'est pourquoi il dit, kwa maana anasema, je frappe à la porte. Niko na konkola kumulango. Ula tenisikia. Celui qui entendra. Anafungula. Et qu'il ouvrira. Incubation yake itashimama. Ile wakati yake ya kosa mwalari na itashimamisha. Amen. Amen. Ni ula tashiki. C'est à celui qui écoute. Observez l'écriture. C'est en quel temps? C'est au temps du soir, de la nuit. Ni mushiku kabisa. Amen. Parce que la Odyssée, sababu la Odyssée, c'est le soir, ni mangaribi, pas seulement le soir, mangaribi, mais la nuit est déjà avancée. Na mushiku bolesha kusonga sana. Amen. Amen. Romains chapitre 13. Wow. Vous connaissez Roma, tous cette écriture-là. Romains 13. Roma, sura 13. Romains 13. Roma, 13. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est important. Qu'est-ce qui est important? Lisez les Écritures avant le verset 11. Voyez, prenez même 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Et puis le verset 9, on résume tous les commandements du Seigneur par l'amour, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Toutes ces exhortations, commençant par Romains 12, ce qu'on a lu là, on n'a pas terminé. Romains 12, Romains 13, c'est une ligne de conduite qu'on donne aux croyants. Tu vois, c'est ainsi que pour terminer, il est dit verset 11, cela est important. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Aina tena yakuya muntu wa mausombi. Aina kuya tena muntu wa mandeni ya shipo kuripaka. Aina muntu wa kwana buvivu mumambo ya Mungu. Ni mwakati muntu wote anapasha kuchunguza maisha yake. Ni mwakati, regardez le chapitre 13. Il commence comment? Que toute personne, verset 1, que toute personne soit soumise aux autres autorité supérieure, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Voyez, il continue. Rendez, verset 7, rendez à tous ce qui leur dû. L'impôt à celui qui vous devez l'impôt. Le loyer à celui qu'il faut payer le loyer. Les minervales à celui qu'il faut payer les minervales. Voyez, tout ça, on donne tout ça. Regardez, frère, je vais vous montrer quelque chose. Observez ce que le Saint-Esprit fait. Quand vous prenez Romains chapitre 9, le chapitre 9 parle d'Israël. Amen. Et ce que Dieu fait maintenant avec nous, comment tout était pour Israël et Dieu le rejette. Il évolue. Chapitre 10. On nous montre comment Dieu avec nous envoie des ministres. Chapitre 11. La question, est-ce que Dieu a-t-il rejeté définitivement Israël? Non. On montre comment Dieu traite avec nous d'un côté et Israël est en réserve. Chapitre 12. Ce que vous, maintenant que Dieu traite avec vous, ce que vous devez faire, c'est de vous donner totalement au Seigneur. Chapitre 13, 12, maintenant vers verset 9 à descendant. kutisa mkushuka. On montre ce que vous devez, vous maintenant qui avez trouvé grâce auprès du Seigneur. Voilà comment vous devez vivre. Pourvoyez au verset 13. 12 verset 13. Même on prend le verset 12, on a lu 11. 12. Réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire, ce que vous avez comme espérance dans la foi, que cela soit votre joie. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Ce sont des lignes de conduite pour ceux qui sont au temps de la fin. Et chapitre 13, cela est important. Il est niamafa. Iku yamafa sana. C'est très important. Njou munayu wa mweye. Parce que vous savez. Vale munayu vumbula kusema. Mungu aneka pembeni Israël. Na eko natumika na shi. Il est maintenant, il œuvre pour la paix. Mais na mweye natumika na mweye. Vous avec qui Dieu. Muyo kusema ina njui abialote. Sachez que ce n'est pas pour toujours. Ni mashiku kiloko. C'est pour un peu. Na ile mashiku iku kumwisho. Iku ya mafamu mufanye bile roho ya Mungu iko nasema. C'est important de faire ce que dit la parole de Dieu. Juu munayo ni mwakati kanituiko. Parce que vous savez d'autant plus quel temps, dans quel temps nous vivons. Amen. Aina wakati ya kufanya kanya bintu. Ce n'est pas le temps de faire. Parce que Mungu anaweza kukutupa hata kama ushaka kufanya miaka mukanisa. Tu peux te rejeter même si tu as déjà fait longtemps dans l'église. Amen. Maintenant on est à Romains 13, on continue. Roma 13 tunaendelea. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est-à-dire, Moussouel Utasema, aina temps y'a quoi distrait. Ce n'est pas le temps d'être distrait. Aina temps y'a quoi qu'à michezo mumambo ya mungu. Ce n'est pas le temps de. Ni temps y'a kuriwe kako. C'est le temps de se sacrifier dans les choses de Dieu. Ni wakati mwa kama unafanya michezo mambo yako. Si tu joues, c'est ton problème. Mambo yako. C'est ton affaire. Kama bibi yako ashipebe mambo ya Mungu seri. Weye avancer. Musha ko wano muchunge mbukwera pana kusema hivi ashipie shichike mambo ya Mungu mimi namwache. No. Wewe bamba bya Mungu kama ni bwana wako uko negligent. Wewe bamba bya Mungu. Kama bazazi yako njo bebe uno na bupagani. Si tu vois le paganisme chez toi l'enfant. Persévère. Persévère. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est-à-dire, enlèvement, il n'a pas caribou. Et maintenant, proche. Na enlèvement kuna fanyika wakati kani. L'enlèvement se fait quand? Nous ne sommes pas au soir. La nuit est avancée. Mais écoutez maintenant. La nuit est avancée. Quelqu'un se tient à la porte. Frère, réfléchissons maintenant. 23h. C'est 23h30. Minuit moins. 0h. Vous entendez, on toque à la porte. Ce sont les enfants qui sont là. Et vous vous sentez, vous écoutez qu'on est en train de toquer. Minuit moins. 0h. Vous serez là tranquille. C'est ça. Jovile. On en a 18h, on est justement. À 18h. Allez voir qui frappe à la porte. Vous pouvez envoyer les enfants. À minuit moins. En tant que responsable dans la maison, je deviens attentif. Qui peut venir à 7h? La nuit est avancée. Le salut est plus près de nous. Mais quelqu'un frappe à la porte. Frère, même si j'avais sommeil, je vais me réveiller. Ce sont des heures critiques. Ce sont des voleurs qui entrent. Je deviens curieux. C'est qui frappe à la porte? N'est-ce pas ça? Tu cherches à savoir who's that? Qui est-ce? Qui est devant la porte? Mais toi, il est minuit moins. Mais quelqu'un frappe à la porte. Moussoulé. Toi, tu es là tranquille. Ou beaucoup de télévision. là devant la télé. Ah, on était minuit, frère. Pas moi, venez ce qu'on ingérit. Tu n'es même pas, tu ne tracasses pas. Mais là, il y a les voleurs qui viennent chez moi. Parce qu'à minuit juste, l'enlèvement doit avoir lieu. L'enlèvement doit se faire. Matthieu 24, Matthieu 25. Matthieu, au milieu de la nuit, katikati ya usiku, la voix sauti sort. Inatoka. L'époux est là. Bwana rusi yuko pale. Tubebeni mbele Matthieu 25. Prenons Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu, sura makumi mbili na tano. Voyez, il y a deux groupes. Bakou négliger, bakou négliger. Mambo ya mungu. Les négligents de la parole de Dieu. Abadjoué keko. Ils ne se donnent pas. Beko na baita, babikila babumbafu. Ils appellent les vierges folles. Unesha kuamini mujumbe. Vous avez déjà cru le message. Unesha kuvumbula maerreur muma doctrine yotei. Vous avez découvert les erreurs dans d'autres. Mais unakuya musene doctrine. Vous êtes dans la sainte doctrine. Mais musene doctrine, unakuwa bumbafu. Mais ici dans la sainte doctrine, vous devenez folle. C'est-à-dire, Facebook inakukuisha bumbafu. Facebook vous tient dans la folie. Amen. Amen. L'affaire de l'argent. Maintenant, regardez au verset 6. Au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est 0 heure juste. Non? C'est 0 heure. On cria. Voici l'époux. Allez maintenant à sa rencontre. Mais maintenant ici, la nuit est avancée. Et tu entends quelqu'un à ta porte. Je ne serai pas indifférent. Je deviens curieux pour savoir c'est qui est à la porte. Que cherche-t-il à cette heure ici? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il amène? Amen. Je suis curieux de chercher à savoir qui se trouve devant ma porte à cette heure. Amen. Amen. Vous savez, dans des pays civilisés, souvent leur porte du salon, par là où il faut entrer dans des appartements, il y a toujours une petite loupe. Hein? Lorsque vous regardez par là, la personne qui est devant la porte, vous le voyez. Non, non, non, suspect. Vous voyez que c'est suspect. Si fungul, je n'ouvrirai pas. Amen. Amen. Dans les choses de Dieu, quand tu regardes pour identifier celui qui frappe à la porte, la loupe, c'est ça la révélation. Amen. Amen. Tu regardes, oh, c'est l'homme de Galilée. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Banakufunguria, c'est qu'il est. Qu'il est écho. Utafanje. Que feras-tu? Tu vas envoyer les enfants. Toi qui entends quand il frappe et tu t'approches, tu regardes, tu vois toute la chose s'ouvre devant toi. C'est lui le sauveur. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la guérison divine. C'est lui qui donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Frère, c'est lui qui apporte la sainteté. C'est lui le grand roi. Tu es l'homme le plus heureux. Tu vas vite ouvrir et dire, s'il vous plaît Seigneur, entrez. Amen. Entrez Seigneur. J'ai l'honneur avant minuit que tu aies frappé à ma porte. Pendant que je vivais dans l'incubation, avant l'enlèvement, je viens de trouver grâce devant le Seigneur. Amen. Et quand tu le reçois là, ayant déjà la révélation, la loupe t'a élargi la chose. La révélation, elle montre tous les mérites de celui qui se trouve devant la porte. Parce que la loupe, frère, te montre ce qu'il est. La révélation te montre ce qu'il est. Tu sais que cet homme ici, j'étais dans l'église, je ne connaissais rien. J'étais interprète, j'étais ancien, j'étais caméraman. Mais maintenant, avant minuit, le voilà débarqué devant ma porte. Oh! Tu vas dire, Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce pour moi. Que la révélation soit tombée dans mon cœur. En ces temps de la nuit avancée. Quelle grâce. Moi qui n'avais pas de zèle. Moi qui étais négligent. Moi qui avais la haine. Et quand la révélation tombe. Frère, c'est le jubilé. Tu vivras un jubilé. Tes voisins se poseront la question. Ninani en Afrique quoi Doron et Bushiku devant la lamika ville. Ni mambokani en Afrique ou quoi. C'est quel problème qui est arrivé là-bas? Tu seras un homme et une femme incompris. Ce que toi tu as vu. Personne d'autre n'a vu. Amen. Ce que toi tu as reçu, personne d'autre ne l'a reçu. Tu seras un membre d'église différent de tout le monde. Amen. Même ton pasteur ne te comprendra pas. Même quand on te posera la question, ni Dieu ni nous on ne cala que vie. Oui, la nuit était avancée. J'ai reçu la révélation. Je ne suis plus ce que j'étais. Parce que quand la révélation vient, elle ouvre les yeux. Quand la révélation vient, elle éclaire. Toute l'obscurité est partie. Amen. Vous n'allez pas, frère, réellement être un membre tel que vous étiez avant. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer demain. Je n'aime pas. Des fois, je me perds, je consomme beaucoup de temps. Il est déjà presque moins de 2 minutes. Tout à Shimama. Nous allons nous tenir debout. Mwamba wako ni nani? Mwamba ni Yesu. Mwamba, alléluia. Mwamba ni Yesu. Mwamba wako ni nani? Mwamba ni Yesu. Mwamba, alléluia. Mwamba ni Yesu. Utamwimbia nani? Mwamba ni Yesu. Mwamba, alléluia. Mwamba ni Yesu. Utachezea nani? Mwamba ni Yesu. Mwamba, alléluia. Mwamba ni Yesu. Tutaomba Mungu. Nous allons tous prier notre Dieu.